Christian. I'm Linus. And we are Galantis. On Fun Radio. Le son dance floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down. You might knock me down. But I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Là, debout, en pleine forme. Ou presque, c'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Allez, c'est parti, on est en direct, 7h-10h, c'est que du fun sur Fun Radio pour m'accompagner chaque jour et chaque week-end. Il y a Kaufman, ça va Kaufman? Bien, tu sais quoi, je pense à un truc. Le week-end, quand tu travailles, ouais, et que tu as encore chaud sur ta couette et tu sais qu'il te reste encore quelques minutes pour te lever, pour moi c'est le meilleur moment. Sauf que pour nous, il reste jamais de minutes à se lever, on est toujours à la bourre. 7h-10h, on est reparti. Samedi, dimanche, c'est que du fun, soyez les bienvenus. On va vous régaler les amis, on va vous réveiller en douceur mais avec des informations quand même, puisqu'au programme, comme d'habitude, des informations jeux vidéo, des informations internet, on pariera même, hein, oui, des informations sportives. Sur le sport. Ouais, effectivement, il y aura Sarah Alsalov également, Kaufman, toi tu as lové sur quoi Kaufman? Miaou, sur un chaton. Tu fais très bien le chat, Young, pour ce réveil, c'est sympa ça. Écoute, je suis né chaton, je mourrai chaton. Un chaton très mignon qui a d'ailleurs fait l'actualité sur RTL TVI ce week-end. On en parlera dans quelques minutes. Ok, très bien. Moi, de mon côté, j'ai râlé également sur RTL. Tu vas voir, RTL Sport, qu'on fait une petite bêtise cette semaine. Et donc, j'ai râlé, je vous explique ça dans quelques minutes. Il y aura aussi une surprise avant 10h. Il y a une nouvelle séquence avant 10h. T'es au courant, Kaufman, qu'il y a une nouvelle séquence? On n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Il y a une nouvelle séquence juste avant 10h. Allez voir entre 7h et 10h, restez bien jusqu'à 10h, il y a une grosse séquence à la fin là. Ouh là là. Ouh, pop, pop, pop. Ça veut dire qu'il y aura des cadeaux quand ça, tu dis ça. C'est une magnifique séquence, vous allez vous régaler, vous allez voir, restez bien avec nous jusqu'à 10h. Là on est ensemble en direct, il est 7h01 et là c'est le journal des bonnes nouvelles. Le journal des bonnes nouvelles. Bonjour à tous, l'édition 2016 de la semaine de la mobilité a débuté hier. Partagez la route, on s'y met tous. Le slogan de cette édition 2016 est un appel à sortir de nos habitudes. Se passer quand c'est possible de la voiture en solo et privilégier d'autres modes de déplacement. La semaine de la mobilité joue la carte de la multimodalité. Adapter au jour le jour ses modes de transport en fonction de ses trajets. Combiner par exemple vélo, train et marche. La Wallonie développe un vaste réseau de covoiturage avec 28 parkings privés et publics qui accueillent 1400 places réservées aux covoitureurs. 439 places seront bientôt inaugurées dans les 44 communes wallonnes. Une application mobile permet à chacun de trouver un covoitureur pour des trajets réguliers ou en temps réel. Des mobiguides sont également présents dans 5 villes wallonnes pour sensibiliser les automobilistes à les inciter à tester d'autres modes de déplacement. Ils seront à Serein ce lundi, à Jean-Blou mardi, à Marchand-Famène mercredi et enfin à La Louvière jeudi. Alphabet, la maison mère du moteur de recherche Google et la firme pharmaceutique française Sanofi vont lutter ensemble contre le diabète. Les deux parties ont passé un accord pour investir conjointement 444 millions d'euros. Sanofi va collaborer sur la façon dont la maladie peut être contrôlée et les traitements améliorés. Le nombre de personnes atteintes de diabète augmente partout dans le monde et Alphabet se place de plus en plus sur le marché médical. Récemment, une autre filière d'Alphabet a commencé à enquêter avec des services de santé britanniques et un hôpital de Londres sur la possibilité que les ordinateurs détectent les problèmes de vue des utilisateurs. En tennis, le Suisse Stan Wawrinka, vainqueur dimanche dernier de l'US Open de son troisième tournoi du Grand Chelem, a marqué beaucoup de points au classement ATP publié en début de semaine. Il demeure cependant campé sur la troisième place mondiale, se rapprochant tout de même du Britannique Andy Murray deuxième et du Serbe Novak Djokovic qui conserve la première place malgré sa défaite en finale. Le japonais Kei Nishikori, demi-finaliste à l'US Open, progresse de deux places pour faire son entrée dans le top 5. Côté belge, David Goffin reste bien ancré à la 14e place mondiale, alors que Steve Darcy a gagné 3 places et pourrait bientôt faire son entrée dans le top 100. Facebook, Twitter et une vingtaine de médias dont Le Monde, l'agence France Presse, le New York Times ou encore CNN ont annoncé s'être joints pour une coalition de médias et de groupes technologiques afin d'améliorer la qualité des informations publiées en ligne, y compris sur les réseaux sociaux. Les membres de ce réseau partageront leurs méthodes, pour exemple éliminer de fausses informations qui circulent en ligne. Le fromage de Herve va se retrouver dans une quinzaine de restaurants étoilés wallons, bruxellois et flamands à l'occasion des 20 ans de l'appellation d'origine protégée délivrée par la Commission européenne. Cette opération se déroulera durant un mois à partir de la mi-novembre. Les chefs très réputés de nos plus grands restaurants proposeront ainsi le fromage de Herve à la carte de leur restaurant. Un petit moment du côté de la météo pour vous dire que l'automne arrive avec des températures qui vont diminuer. Les nuages qui alterneront avec de timides éclaircies seront porteurs d'ondées ce samedi. Les températures resteront de entre 18 et 20 degrés. Le prochain journal des bonnes nouvelles, c'est dans une heure et pour l'instant, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Sometimes you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost réveil avec Fun Radio et le son de Sigala qui arrive. Don't you give me your love. On est en direct, c'est que du fun, jusqu'à 10h. Et là, on va lover et râler. Kaufman, toi, tu vas lover, hein. Miaou. Je vais lover sur un petit chaton, chat. Un petit chaton mignon. La vidéo était prise à Kaliningrad, en Russie, oui. Le chaton, écoutez bien, il est tombé d'une voiture. Ouais. Et il s'est retrouvé en plein milieu de l'autoroute. Oh mince, non. Enfin, d'une très grosse route, ouais. On va dire. Là, quelqu'un le filme. Ok. On voit le chaton esquiver. La première voiture, la deuxième voiture, Matrix. L'esquive. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui a le courage de s'arrêter pour le récupérer. Vous pouvez voir les images sur le site de RTL TVI. C'est un chaton véritablement miraculé. On salue d'ailleurs l'attitude du conducteur qui s'est arrêté pour le récupérer, le recueillir. Il va bien, j'ai pris des nouvelles. Il mange bien, il boit du lait. Tu l'as appelé ? Écoute, oui, entre chatons, bah oui, on s'est dit quelques mots, on s'est échangé, mais j'étais bien content. C'est des images qui font chaud au cœur, comme on dit. Effectivement. Moi, j'ai râlé Kaufman. Je sais pas si t'as écouté RTL Sport cette semaine ou pas. T'as écouté les matchs. Tu vas nous parler peut-être de Marc Delire. Ah oui, tu le connais un peu? Ah oui, je le connais même personnellement. Ah, tu le connais personnellement? Oui, d'ailleurs, il nous écoute, donc fais attention à ce que tu vas dire. Il fait ce commentateur de RTL Sport a dérapé jeudi soir lors du match d'Europa League entre le Standard et le Celta Vigo. Ishak Belfodil, c'est une nouvelle recrue qui joue au Standard. Il joue pendant le match et là, Marc Delire va en profiter pour faire un commentaire quand même très très limite à son sujet. Il va dire « Belfodil, pour un franco-algérien, il reste relativement calme. Vous voyez ce que je veux dire ?» Voilà ce qu'il a dit. Alors c'est un peu mal passé auprès de tout le monde et je comprends aussi, hein, même le joueur n'a pas encore réagi, mais je pense qu'il va pas réagir, je connais un peu le joueur, il réagira pas. Mais bon voilà, c'est un peu déplacé, tu trouves ça bien, pas bien? Écoute, oui, c'est un peu déplacé, maintenant c'est difficile de savoir ce qu'il voulait dire exactement. Il connaissait peut-être le joueur avant, peut-être qu'il avait le sang chaud et peut-être qu'il s'était déjà énervé sur un terrain. Maintenant c'est difficile d'interpréter, toujours est-il qu'il aurait dû s'abstenir de tels propos qui sont bien beaucoup sûr. Trop polémiques. Hier il a dit que c'était à propos de Zidane qu'il avait dit ça. Ah bon? C'était en lien avec Zidane en fait. Il s'est un peu enfoncé en disant ça, mais d'accord. Bon, le mec il s'est complètement enfoncé. Dans quelques minutes, on va parler du web, destination web avec Kaufman. Oui, je vous prouverai par A plus B qu'il fait bon conduire en Belgique. Ah bah, c'est pas toujours facile sur les routes en Europe, mais en Belgique, en tous les cas, ça a l'air de se passer. On est là okay. Jusqu'à 10h, c'est que du fun les amis, merci de nous avoir choisis. On se réveille lentement, doucement, mais sûrement, voici Sigala et Give Me Your Love sur Fun Radio. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. You give me your-

la Belgique ne s'en sort pas trop mal, même si elle ne figure pas parmi le top 10 des premiers de ce classement des pays où il est agréable de conduire. Elle est quand même toute proche, puisqu'elle occupe la 12e place. Il faut savoir que le classement a été établi en questionnant plus de 65 millions d'utilisateurs de Waze, issus de 39 pays et de 238 villes. De plus, les critères étaient variés. Ils comprenaient le niveau de trafic, les embouteillages, la qualité des routes, les infrastructures, la sécurité des routes, les services disponibles. Autrement dit, ouais, tout. Une enquête très complète. On arrive 12e. Moi, je dis que soit les gens ont été très gentils, soit ils ont été, ils ne conduisent pas. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, ça dépend où on va, en fait, ça dépend. Ah oui, mais alors, à mon avis, c'était peut-être pas les routes wallonnes, parce que moi, je mettrais encore 10-15 millions dans les routes, histoire de refaire tout ça, de ravaler la façade, et puis qu'on puisse rouler un peu à notre aise. Enfin, bon, ça fait plaisir de pas être en cul de classement non plus. En cul de classement, pour information, c'est plutôt des villes indiennes, indonésiennes, et qui figurent. Heureusement qu'on n'y est pas, alors, c'est effectivement, parce qu'on a quand même des belles routes, on va pas non plus. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On a quand même des routes assez belles, quand même. On a des lumières partout, en plus, donc c'est formidable, contrairement à d'autres pays. Oui, j'ai entendu dire que tu t'arrêtais la nuit sur les routes pour regarder les lumières. Oui, c'est ça. C'est assez bizarre d'ailleurs. Je t'ai rien dit jusqu'à présent, mais bon, je te pose la question. Bah oui, c'était mon plaisir du soir, excuse-moi. Dans quelques minutes, on va évoquer le sport, il y aura aussi la télévision, il y aura les jeux vidéo, Kaufman. Oui, j'ai une bien mauvaise nouvelle pour les gens qui aiment Mickey. Mickey broie du noir, et je vous expliquerai pourquoi dans moins d'une heure. On a aussi plein de cadeaux à vous faire gagner. Le son Dance Floor, ça se passe avec Alex Germis. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téléticketservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Votre série ce soir à 19h05 sur Plug RTL, Drop Dead Diva. Je suis sûre qu'il se réveillera bientôt. Quand cette voiture l'a renversé, il s'est tourné vers moi et il m'a appelé Deb. À son réveil, je me demande si c'est Jen qui le verra ou Deb. Après un accident, Deb, top modèle, se retrouve dans le corps de Jen, avocate. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Drop Dead Diva, ce soir à 19h05. Plug RTL. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. Quelques heures s'en aller, comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Sleep all day, gonna pack it up, pick it up, be on my way. Cause I'm motivated, dedicated. It's a man revolution. Love is the solution. No man can escape evolution. So we have to free our minds and find a mission. Some new every year. I will wait. Fun Radio. Salut, c'est Alex Germis. Les sons Dance Floor. En premier, c'est sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle.

just ain't the same. Always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist, Black Eyed Peas do a song about love and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know what love sounds. Where's the love? And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where is the love? Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? The love and the fairness and the quality. Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? On prépare le petit déjeuner sur Fun Radio avec le son de Cashmere. Et dans C'est que du fun, on parle aussi sport. Kaufmann fait les paris sportifs chaque week-end, le samedi et le dimanche. Kaufmann, t'es prêt? Bah, j'ai juste un petit problème. Hein. C'est ce qui se passe. Ça fait quoi? C'est la troisième semaine d'émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Le samedi et le dimanche, on fait les paris et le samedi et le dimanche. J'ai plus d'argent. Ah mince, bon, c'est pas grave. Donc on va parier quelques allumettes. Tu fais des roupies, ça marche aussi, t'inquiète. Allez, le sport belge avec le football belge. Tu connais un peu Kaufmann. Donc c'est parti, on va prendre un premier match. Genk contre Anderlecht. C'est un gros match, hein, oui, vraiment c'est un très match. Gros match. Les cotes, on parie via des cotes. Tout simplement, si on mise 1 euro et que la cote est de 2, on gagne 2 euros. Et là, la victoire de Genk, elle est cotée à 2.4. Le match nul 3.2, victoire d'Anderlecht 2.7. C'est très serré, hein. Ok, alors moi je dirais Anderlecht. Anderlecht, ouais. 2.7. Et tu mises 1 euro, tu gagnes 2,70 €. On en profite pour saluer tous les Anderlechtois qui se réveillent en écoutant C'est que du fun, tu vois. Effectivement. Deuxième match, Saint-Tron contre Beveren. Ok. Ouais. Saint-Tron Beveren, victoire de Saint-Tron 1.9, le match nul 3.3, victoire de Beveren 3.6. Beveren, Saint-Tron. Saint-Tron, Beveren, je veux dire Saint-Tron. Saint-Tron, ouais. 1.9 la cote. Ouais, je pense qu'ils jouent tous les deux en jaune, non? Ah, je sais pas. Bah, allez, en tout cas, les trudonnaires, comme on les appelle, c'est les Canaries. Ok, donc très bien, ça va être en jaune alors. Hein, d'accord. Un petit Canari, c'était jaune. Allez, dernier match, Westerlo contre Mouscron. Ok, gros match également. 2.5 pour la victoire de Westerlo, match nul 3.2, victoire de Mouscron 2.6. Écoute, je vais la jouer corporate, je vais jouer pour Moucron et j'en profite pour saluer les gens qui se réveillent et qui habitent Moucron. Les Moucronois, on vous salue, messieurs, mesdames, messieurs. À chaque fois, il va nous réveiller tout le monde, toute la Belgique qui nous réveille, celui-ci. Donc voilà, les trois matchs, j'ai bien noté Kaufmann. On vérifie demain si t'as la bonne réponse. Attention, hein, tu as intérêt de donner les bonnes réponses, les bonnes cotes, tu vois. Faut gagner un peu d'argent le week-end, c'est important, Kaufmann, d'accord? Et bien sûr, et puis si je gagne, j'attends les croissants, les pains au chocolat, les tartines, la confiture. Bref, tu sais que tu dois me régaler. Hein. C'est comme chaque samedi, chaque dimanche, c'est que du fun. Le morning 100% belge qui vous régale sur Fun Radio. À suivre encore des infos, jeux vidéo, des gros cadeaux. Apparemment, on m'a annoncé une très grosse nouveauté avant 10h. C'est comme ça, on aime vous faire plaisir. Voici Cashmere, Wildcard sur Fun Radio. Welcome. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this chain. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. tube Fun Radio. Turn it up, up, up, up. Yeah. This is new music. Yes, that little Chico Pitbull. Hi, this is Flo Rida. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. This is fun. To make you ooh, ah, hear you scream. And I practice what I preach, if you know what I mean. I'm about that, mommy. Yeah, I got the key and I'ma lock that, mommy. Yeah, we can roll and I'ma rock that, mommy. I do what I say and say what I mean. Now let me jump in between. I'm getting loose in this thing, like OJ the juice in this thing. Feeling like left eye, boy, I burn the roof in this thing. I got all the women getting naked, feeling like Luke in this thing. Think it's a game. Now I got the green lit and the green right. All I need is, mommy, for you to give me the green light, so I can run through it like an easy pass. And step on the gas. Woo! Give me the green light. Oh, yeah. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Give it to me. Cause I'm ready to go. She ready, then I'm ready. Pull up on her with the Chevy. Real talk when the light turn green. Give me what I ask for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest. Arena Venus, flow of genius. Smoking Phoenix, you never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm tryna ride out. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Bon courage à ceux qui vont ou qui sont en train de travailler. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Imani. Et là, on s'intéresse à la télévision avec The Voice Kids ce samedi dans l'émission de TF1 Amani Pitchy. Est-ce que tu connais Kofan Amani Pitchy? Ça te dit quelque chose ou pas? Écoute, je connais les Pitch, qui sont des petits sandwichs mous que je prends au déjeuner, au petit déjeuner d'ailleurs. Oui. Et Amani, ça doit être une boisson. Non, Amani Pitchy, c'est un Gerpinois de 14 ans qui est en train de se qualifier ce soir. Et c'est la première fois qu'il y a un Belge dans la version The Voice Kids française sur TF1. Un jeune homme de 14 ans. Et c'est pas un novice en la matière, puisqu'il a déjà participé à la France Un Incroyable Talent. Je sais pas si tu vois qui c'est Amani. Ah oui, Amani Pitchy. Bien sûr, Amani Pitchy. Mais est-ce qu'il viendra quand même avec des petits gâteaux ou des petits pains fourrés? Parce que bon, j'ai un petit peu faim là, donc si Amani Pitchy pouvait venir avec tout ça, ça m'arrangerait. Oui, il peut venir si tu veux, Amani Pitchy avec des pitchs. On peut l'inviter aussi. Oui, bien. Mais alors, est-ce qu'il viendra avec des petits pains fourrés? Imagine, on l'invite, on lui amène des pitchs à Amani Pitchy. Ouais. Il peut venir. Mais tu vas regarder ou pas ce soir la prestation du Belge dans The Voice? Bah, tu sais quoi, je regardais pas les autres années. Ouais. Et puis cette année, je sais pas, je l'ai vu une ou deux fois, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Surtout qu'on a appris une autre information cette semaine. De quoi? Ce qu'on vous dit déjà depuis quelques semaines. Ah oui, depuis longtemps. Matt Pokora arrive comme coach principal dans The Voice Premium, comme il l'appelle. Oui, c'est vrai, The Voice Premium. C'est un peu la division 2 de Voice. Ouais. Tandis que Voice Premium, bah oui, il sera là et il remplace donc l'ami Garou.

Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Deezer en direct sur Fun Radio, c'est que du fun avec le son de Rihanna et Drake. I'm too good to you, I'm way too good to you. You take my love for granted, I just don't understand. Et le fun game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, on en parlait il y a quelques secondes, la petite souris Mickey broie du noir. C'était il y a quelques mois déjà, Disney annonçait son intention d'arrêter de développer des jeux pour les consoles de jeux vidéo et par conséquent licencier plus de 300 employés, c'était plus précisément en mai dernier. Et cette fois-ci, Disney s'attaque désormais au problème de ces jeux mobiles et... Ah. Bah oui, ils vont employer la même méthode que pour les jeux consoles. Mince. Cette fois-ci, Disney n'envisage quand même pas d'arrêter définitivement le jeu mobile comme c'est pour le cas sur les consoles, mais opère une restructuration encore et encore de ses effectifs, entraînant le licenciement de 5% des employés de la branche Consumer Product et Digital Media, ce qui représente quand même 250 personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain. Eh bien, sans boulot. Okay. Disney abandonne petit à petit le jeu vidéo et c'est les employés, comme d'habitude, qui trinquent. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. Surtout que Disney faisait des très bons jeux vidéo. Mais il y avait quoi comme jeu vidéo? Ah, bah, ils avaient fait Disney Infinity, qui était un jeu avec les héros de Disney sur des portails. Ok, il y a vraiment des gens qui jouent aux jeux vidéo Disney. Ah oui, c'était pas mal. Ah ouais, j'y crois pas une bah, seconde. Ils venaient en plus de racheter la licence Star Wars qu'ils avaient mis sur leur portail Disney Infinity. Ah oui, Star Wars, ok, ouais, mais les trucs avec Mickey, j'ai jamais vu un jeu avec Mickey, moi, par exemple. Bah, ça fait bien longtemps que tu joues plus avec ton Mickey, toi. Oui, ça c'est sûr. Dites-nous au 3044 si vous connaissez des jeux vidéo Disney ou des jeux avec Mickey à l'intérieur. Moi, j'en vois pas. Disney Infinity. J'en vois pas. Disney Infinity, mais ça s'est pas vendu, ça, Disney Infinity. Bien sûr que ça s'est vendu. Sur quelle console, ça? Bah, sur toutes les consoles. Ah, toutes les consoles. C'est des petits plateaux que tu branches, je t'ai déjà montré. Ouais, non, mais je vois pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est la plus bonne. C'est pas grave, on peut être jeune et avoir Alzheimer. Hein. C'est pas catastrophique. Non, mais, tu vois, c'est pas grave. Mais ça risque d'être gênant à terme. Dans quelques minutes, on aura plein de cadeaux à vous faire gagner. Kaufman, t'as ramené encore plein de cadeaux. Hein. Jeux vidéo, goodies sont au programme de votre matinée. Samedi, dimanche, 7h-10h, c'est que du fun. On va vous régaler, les amis. Effectivement, là, il est 8h. Nous sommes en direct jusqu'à 10h et à 8h. Et à 8h, il y a quoi, Kaufman, hein? Le journal des bonnes nouvelles. Oh, c'est beau, ça, oui. Bonjour à tous, elle s'appelle Isabelle Dantine, elle habite à Ayneux près de Soumagne en province de Liège et elle est championne de Wallonie de l'épluchage de pommes de terre pour la 5e fois. Elle s'est à nouveau apposée il y a quelques jours à Angleur à l'occasion d'un concours organisé au profit des Restos du Cœur et du Foyer des Orphelins. Isabelle Dantine a épluché 7,565 kg de patates en 20 minutes. On vous invite à tenter de battre ce record et si vous y arrivez, vous pouvez déjà vous inscrire pour les prochains championnats. L'autre bonne nouvelle du jour, c'est de nombreux manchots du Cap, une espèce en danger qui ont subi les conséquences d'une coulée de pétrole en Afrique du Sud. Mais la très bonne nouvelle, évidemment, c'est que grâce à des sauveteurs locaux, 92 d'entre eux ont été sauvés et retrouvent peu à peu la vie sauvage. Il a fallu 2 heures de nettoyage pour chacun de ces 92 manchots piégés dans le pétrole. La plupart n'auraient pas survécu sans leurs sauveteurs. Il y a de quoi être pris au vertige ou peut-être même de perdre le nord. Une troupe de danseurs américains s'est livrée à une performance des plus originales en début de semaine sur le mont Tianmen en Chine. La troupe a en effet exécuté une chorégraphie sur le versant d'une falaise, soit entièrement à la verticale, le tout à 1300 mètres au-dessus du vide. Sous le regard contemplatif des nombreux touristes venus assister au spectacle, les artistes équipés de cordes de sécurité se sont produits en prenant en compte aussi bien la structure de la falaise que la végétation environnante et les nuages présents dans le ciel. Et pour cause, la troupe Bandaloup, c'est son nom, avait à cœur de se concentrer sur l'harmonie entre les humains et la nature. Mission accomplie, à vous de juger. La vidéo circule sur le net depuis plusieurs jours. IKEA a vu croître au cours de son exercice décalé clos au 31 août ses ventes de 11,2% en Belgique à 836 millions d'euros. Le géant suédois de l'ameublement a bien surfé sur la vague de l'ouverture de ses deux nouveaux magasins à Mons et à Celt, qui ont déjà accueilli plus de 2 millions de visiteurs depuis leur ouverture en février 2016. Au niveau mondial, les ventes d'IKEA sont en progression d'un peu plus de 7% à plus de 34 milliards d'euros. IKEA peut se targuer d'avoir accueilli 783 millions de visiteurs dans ses magasins lors de son dernier exercice et d'être ainsi en passe de devenir leader mondial de la distribution dans le secteur de l'ameublement. Angélique Kerber est officiellement la nouvelle numéro 1 du tennis mondial. L'Allemande voit en effet son nom trôner au sommet du classement WTA après sa récente victoire à l'US Open. À 28 ans, elle est la 22e joueuse à devenir numéro 1 mondial et détrône l'américaine Serena Williams, restée à ce poste 186 semaines de suite, égalant le record de longévité d'une autre Allemande, Steffi Graf. Serena Williams, éliminée en demi-finale, aura été durant 309 semaines la numéro 1 mondiale. Côté belge, les nouvelles sont à moitié bonnes. Janina Wickmayer, 39e qui perd une place, et Kirsten Flipkens, 58e qui perd deux places, sont en léger recul. Troisième belge dans la hiérarchie, Alison Van Uytvang campe quant à elle à la 112e place. Du côté de la météo, l'automne arrive avec des températures qui vont diminuer. Les nuages qui alterneront avec de timides éclaircies seront porteurs d'ondées dont l'intensité restera cependant faible. Les températures seront de 18 à 20 degrés suivant les régions. Le prochain journal des bonnes nouvelles, c'est demain matin. Et pour l'instant, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night I think I lost my patience last night. I got high as the expectations last night. I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night I think I lost my patience. Last night I got high as the expectation. Last night I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Réveil à l'écoute de Fun Radio, le son Dance Floor continue avec Mom. Et là c'est le moment de râler et de lever. Le principe est vraiment très simple, on regarde l'actualité toute la semaine avec Kaufman et on prend ce qu'on a aimé et ce qu'on a détesté. Vous pouvez réagir au 30-44 si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous, 50 centimes par message. Moi j'ai levé Kaufman oui. À propos de Google. Google Street View oui. A fait quelque chose de spécial, est-ce que tu sais? Ils ont permis aux gens de flouter leur maison. Ah, quasiment ça. Google Street View respecte la vie privée des vaches. Et oui, en baladant sur Google View vers Cambridge, à peu près par là, j'ai vu quelque chose de surprenant, une vache en plein milieu de la route. Ouais. Ouais. Jusque-là, rien d'exceptionnel, une vache non. En plein milieu de la route. Sauf que le visage de la vache a été flouté par Google. Pourquoi? Et Google a flouté le visage de la vache, mais on sait pas pourquoi. Ah, c'est une erreur logicielle. Il respecte la vie des vaches, Google, c'est quand même très joli. Alors, le porte-parole de Google a quand même reconnu les limites de la technologie. Hein. Notre technologie de floutage automatique a un peu trop zélé. Bien sûr, nous ne regrettons pas d'avoir offert à cette vache laitière son quart d'heure de gloire. T'as déjà été flouté, toi, ou pas, sur Google? Écoute, il faudrait beaucoup de floutage. Mais par contre, on a la réaction de la vache. Hein. Ah ouais, dis quoi? Meuh. Ah oui, merci la vache. Toi, tu as râlé, Kaufman. Hein. Bah oui, aucun joueur belge ne figure dans le top 10 de FIFA 17 alors qu'il était 6ème meilleur joueur du jeu en 2016. Eden Hazard dégringole à la 30ème place avec une cote moyenne de 88 sur 100. Le Diable Rouge possède dans le jeu des grandes qualités de vitesse, 90, une cote de 90 sur 100 et des dribbles 91 sur 100 avec également une cote moyenne de 88 sur 100. Kevin De Bruyne est lui 21ème du classement des meilleurs joueurs. Ses qualités de passe, il a 88. Ouais, c'est bien. Et son meilleur atout. Thibaut Courtois est le 13ème meilleur joueur de FIFA 17 et donc finalement le meilleur belge avec une cote de 89 sur 100. Il a le meilleur jeu à la main des gardiens du jeu avec 91. Pour information, les trois premiers du jeu sont Cristiano Ronaldo ouais. Avec 94, Lionel Messi 93 et Neymar 92. Donc pas de belge même dans le top 10 cette mais année. 12ème c'est ça Thibaut Courtois 13ème Thibaut Courtois, donc c'est le premier gardien je suppose. Premier gardien et meilleur belge. Bah c'est déjà ça quand même, on a le meilleur gardien du jeu. Eh oui. Oui, bah j'aurais préféré avoir la meilleure équipe du jeu. Ça c'est sûr. Dans quelques minutes, on va encore s'intéresser au web, on va s'intéresser aussi à la télé, au sport. Il y a plein de choses qui arrivent, hein, Kaufman. Oui, on va vous parler d'un principe assez novateur, celui de la Game Jam qui va se dérouler bientôt à Mons et du Belge. Et on parlera également de... On parlera aussi de cadeaux parce qu'on a des cadeaux à vous offrir dans le combien ça coûte. On a plein de cadeaux. Kaufman a fait plein de cadeaux. Hein. Oui, jeux vidéo et goodies sont au programme. Il va falloir deviner le jeu que notre ami David a dans sa tête. Ouais, l'objet. J'ai un prix en tête. À vous de deviner l'objet au 6322. On en parle juste après Mom sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had this good. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real. Suddenly it's all you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's all you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. Younger, and you forget to wonder why.

don't own it. If you've succeeded and flown it. Ah, ça, ça met de bonne humeur, Kaufman. Hein. Ça, c'est au taquet, ça, hein. Bruno Mars. Ah oui, ça, c'est plutôt le son dance floor qu'on aime bien. Hein. On aime bien se réveiller comme ça, avec du tonic. Effectivement, et on continue avec Jonas Blue. Et là, c'est le moment de jouer combien ça coûte. Le principe est simple. J'ai un prix en tête et le but, c'est de retrouver à quoi il correspond. Pour ça, vous envoyez votre réponse au 6322. C'est 1€ par message et on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Hein. Jeux vidéo et goodies sont au programme. Donc, envoyez-nous vos propositions au 6322. Moi, je vais essayer de poser des questions histoire de faire avancer la chose. Dès que vous avez une petite idée, hein, n'hésitez pas. Premier arrivé, premier servi. On a vraiment de très chouettes cadeaux à vous filer. Jeux vidéo, goodies collector, tout ça n'est pas trouvable en commerce, on est seul à vous l'offrir, ça serait dommage de passer à côté. Ok, très bien. Prix du jour, 159€. Prix du jour, 159€. Kaufman, tu as posé des questions. À chaque fois que tu me donnes le prix, j'ai l'impression que c'est ce que tu as dépensé cette semaine et que je vais découvrir un petit peu ce que tu as acheté. Ouais. Bon, allons-y. Est-ce que c'est un objet professionnel? Non. De l'ordre privé, donc? Oui. Est-ce qu'on le trouve dans une pièce particulière de la maison? Oui. Dans la cuisine? Non. La chambre à coucher? Non. La salle de jeu? Non. Dans la cave? Non. Dans le salon peut-être? Oui. D'accord. Dans le salon. Est-ce que cet objet a à voir de près ou de loin avec la télévision? Oui. Ok, est-ce que cet objet est électronique? Non. D'accord, aidez-moi, hein, 6322, vous envoyez les propositions pour 1€ par message, vous trouvez la bonne réponse et vous gagnez de très jolis cadeaux. Vous envoyez vos propositions donc au 6322. On sait déjà que c'est un objet qui est dans le salon. Effectivement. Qui est à usage privé, qui est en rapport avec la télévision. Est-ce que c'est un objet aussi bien pour les petits que les grands? Oui. Donc est-ce qu'on peut l'utiliser à plusieurs? Oui. Ok, il n'est pas électronique, il peut s'utiliser à plusieurs. Désolé, hein, je réfléchis tout haut, je fais comme chez moi. Fais comme chez toi, Kaufman, t'inquiète pas. Hein. Est-ce qu'on en a plusieurs chez soi? On en a plusieurs. Oh, on peut. Mais c'est pas obligé. Bah non, c'est pas obligé. C'est comme tu veux, hein. C'est ta vie, hein. Ça me regarde pas, ça. Hein. D'accord. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On me dit une télévision. Non, c'est pas une télévision, c'est un objet qui est en lien avec la télévision. Mais voilà, c'est pas non plus un lien direct avec la télévision. On me dit également un lecteur DVD au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. Donc allez-y, 6322 pour envoyer la bonne réponse. On a plein de cadeaux à vous offrir, Kaufman. Surtout qu'on a précisé que l'objet n'était pas électronique, donc je suppose qu'il n'est pas électrique. Et non plus, non. D'accord. Est-ce que on peut s'y mettre à 4 dedans? Oui. À 3? Oui. Tout seul? Tu fais ce que tu veux. Ça me regarde plus là. Oui, on peut. D'accord. Est-ce qu'il peut être en cuir par exemple? Oui, aussi, effectivement. En tissu? En tissu aussi, oui. D'accord. Donc c'est un peu l'endroit où on s'affale devant la télé. Effectivement. Je dirais ça. Où on joue un petit peu à se reposer. Oui. Ok, aussi, oui. Bon, d'accord. Est-ce que. Je vais te donner un petit indice, hein, mais rien de très grave. Dis-moi. Est-ce que la chose commence par un F? Un F? Non. Un fauteuil? Non, c'est pas un fauteuil. Mais est-ce que c'est un synonyme? Oui, c'est un synonyme, c'est un complément, j'ai envie de dire. Mais c'est pas un fauteuil, je peux pas accorder. On me l'a aussi envoyé au 6322, un fauteuil. Non, c'est pas la bonne réponse, fauteuil. Je peux pas l'accorder, fauteuil. C'est pas le mot que je recherche, donc c'est pas bon, c'est pas la bonne réponse. Est-ce que ça commence par un D? Un D? Divan? Ah non, c'est pas un divan. Bah c'est un synonyme alors. Oui, c'est un synonyme. Est-ce que c'est comme les apéritifs concerts? C'est un petit... Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement. C'est aussi, ça commence par un C donc. Ça commence par un C, la bonne réponse. Effectivement. On me dit un divan, voilà, au 6322. Non, c'est pas la bonne réponse. On me dit également un sofa. Non, c'est pas la bonne réponse. Ça commence par un C. Donc envoyez la bonne réponse au 6322. On a plein de cadeaux à vous faire gagner. Vraiment, Kaufman, il a ramené encore plein de cadeaux. On a des jeux vidéo, des goodies collector qu'on peut pas trouver dans le commerce. Hein, exactement. Kaufman. C'est vraiment des trucs collector qu'on a à vous offrir. La bonne réponse, ça se passe au 6322. La réponse commence par un C et ça finit par quoi, Kaufman? Par un P. Ça finit par un P. C'est très élégant de dire ça. Excusez-moi. Je prends un gagnant dans quelques minutes sur Fun Radio, donc allez-y, le gagnant, ça se passe juste après Jonas Blue.

kissing the sky, yeah. Bonne matinée sur Fun Radio, le son de Savo Legend qui arrive. Et là, on va connaître le gagnant du combien ça coûte, Kaufman, qui a essayé de trouver l'objet. Hein. Oui, mais je crois que j'ai trouvé, finalement. Ah, tu crois que t'as trouvé, toi? Moi, j'aime bien les manger, en fait. Ah oui. J'aime pas m'asseoir dedans, mais j'aime beaucoup les manger. Je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Oui, bonjour, on a Mélodie. Séverine. Ah. Oui, bonjour. Ça va, Séverine? Ça va. T'es en pleine forme? Tu fais quoi de beau ce matin, Séverine? J'ai une conférence. Une conférence, carrément. T'as le samedi matin, conférence d'entrée de jeu, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la conférence sur quoi, à cette heure-ci? Sur les urgences. Ah. Sur les urgences, ah ouais, ça passionne ça. Ça va rigoler. Hein. T'imagines le samedi matin, ton réveil sonne, 6h30, toc, attention, ouais, j'ai une conférence sur les urgences, excuse-moi ce matin, ouais. Là je rigole. Et tu habites où? C'est vrai. À Courcelles. Ah, près de Charleroi. Oui, tout à fait. Ah bah je comprends alors. Ouais. Les urgences, il vaut mieux. 159€, c'était le prix du jour, ça correspond à quoi, Séverine? Un canapé. Un canapé pour toi, on vérifie. Bravo. Tu Merci. Repars avec plein de cadeaux, Séverine. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo, Séverine? Oui. Eh ben, on va t'offrir des goodies jeux vidéo. On a par exemple des t-shirts du nouveau World of Warcraft, tu connais? Oui, tout à fait. Ben, c'est bien, nous évoluons dans la même galaxie. c'est celle dont l'autre, David, est exclu. Oui, effectivement, moi, les jeux vidéo, ça me passe un peu au-dessus. Bon, on va souhaiter en tout cas un bon week-end. Merci de nous rester fidèles. Tu le sais, c'est que du fun. C'est le samedi et le dimanche, 7h-10h. Donc, en cas de conférence sur les urgences, on sera toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas. C'est gentil. Bonne matinée, bonne conférence. Ne raccroche surtout pas. Emprunte tes coordonnées en antenne, Séverine, d'accord? Ok, merci. Allez, bisous, Séverine. Au revoir. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Topito. Et aujourd'hui, le Topito Kaufman, tu veux savoir? Bah oui, j'aimerais bien. Oui. C'est le top 5 des news à la con. Et il y en a eu des news à la con. Il y en a eu beaucoup, beaucoup cette semaine. On fera le top 5 ensemble et avec Kaufman. On est ensemble jusqu'à 10h. Et la leçon qui arrive, c'est Son of Legend avec Komodo sur Fun Radio. Radio. Hey everybody, it's Jennifer Lopez on Fun Radio. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. Get to work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. 10h, c'est que du fun. Sur Fun Radio, nous sommes en direct et la suite du son Dance Floor, ça se passe avec Dimitri Vegas et Live Mike. Dans quelques secondes, le topito, le top 5 des news à la con. Il y aura aussi le Fun Game, Kaufman. Oui, on vous parlera notamment de nos amis de South Park et de Cartman en particulier. Et d'ici 10h, une énorme surprise, une nouvelle séquence qui va venir tous les jours. C'est vraiment un énorme truc, quoi. Je peux pas encore vous dire de quoi il s'agit, mais il y aura plein de choses pour vous. Donc restez bien à l'écoute jusqu'à 10h. C'est une énorme surprise. Nous, on revient juste après Dimitri Vegas et l'iMac sur Fun Radio. Gagnez le tout nouveau bijou de chez Apple, l'iPhone 7, grâce à Fun Radio. Fun. Dès lundi, écoutez l'Happy Hour avec Audrey de 17h à 20h et Fun Radio Connected de 20h à 22h. Et gagnez votre iPhone 7 en envoyant iPhone par SMS au 6322. Un euro message. Merci Fun. Les cadeaux les plus high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son d'Esla. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Laissez-le dans la boîte à gants. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be.

Bon réveil à l'écoute de Fun Radio, on continue avec Martin Solveig. Et le topito du jour, le top 5 des news à la con, 5ème position. Pour aller aux toilettes, des salariés sont obligés de faire quelque chose. Quoi ? Selon toi, Kaufman, allez-y au 3044 aussi pour jouer avec nous. Hein. De pointer. De pointer ? Ouais. Bah, quasiment, mais d'une façon particulière. Ah, ils doivent envoyer un email à leur directeur. Ouais, ils doivent envoyer un email au directeur en disant « Excuse-moi, là, j'ai envie de faire popo. Est-ce que je peux y aller ?» Ouais. C'est déjà arrivé d'être dans une boîte et d'aller demander par mail comme ça, non ? Non, mais par contre, ça m'est déjà arrivé de travailler des toilettes. Ouais. Quatrième position, une femme vient faire goûter quelque chose. Ah non, une femme vient faire goûter quelque chose, oui, effectivement, à la police. Mais à ton avis, quoi ? Un plat, quelque chose de... une nourriture. De nourriture. Non. Ouais, j'ose pas dire ce que je pense, mais... Tu penses quoi ? C'est pas des excréments, quand même. Non. Une femme est venue et elle est, voilà, elle a des fruits. Elle a été à la police. Non, elle a été à la police. Elle leur a donné quelque chose à goûter. Vas-y, balance, je sais pas. De la cocaïne. Non. De la drogue. Mais elle a été voir directement la police, tu vois, pour leur faire goûter. Donc effectivement. Pour insister de la bonne. Effectivement, retrouvée directement en garde à vue. Troisième position. Une personne est demandée au tribunal car elle avait été jugée pour port d'armes illicites. Elle s'est rendue au tribunal, mais avec quoi, à ton avis ? Avec un couteau. Non. Avec une fourchette. Non. Avec une arme. Ouais, quasiment. Avec un taser. Avec un taser. Carrément, elle arrivait là-bas. Elle est jugée pour ça, mais arrive encore avec une arme. Donc voilà, c'est un peu à la con, ça. Deuxième position, un détenu cachait quelque chose en prison. À ton avis, quoi ? Un téléphone. Non. Non, c'est un truc un peu spectaculaire. Hein. Une télé. Non. Une PlayStation. Non. C'est un objet électronique ? Non. Allez-y au 3044 pour voir si vous connaissez l'info. Un ou canapé. Pas. Un canapé. Non. Je sais pas. J'ai pas envie de dire. Une piscine gonflable. Le mec, il a ramené la piscine gonflable à l'intérieur de la prison, tu vois. Écoute, j'avais entendu parler de ce truc, c'est la pool party dans la cellule 132 chez Jean, tu vois, tous les soirs. Allez, coco, pool party. Effectivement, première position, des rugbyman ont été intoxiqués. Mais avec quoi ? Du gaz hilarant. Non. Avec de la nourriture. Non. Avec, je sais pas, moi, le sang, ils ont été. Le sang leur a. Non. Avec l'eau du pastis. Ah, c'était la troisième mi-temps. Oui, ça c'était la troisième mi-temps, je t'avoue, effectivement. Voilà, c'était les news à la con de la semaine. Dans quelques minutes, le Fun Game, Kaufman. Oui, on parlera de South Park et de Cartman qui se fait désirer. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 30 44 50 centimes par message pour nous dire comment vous allez, ce que vous prenez ce matin au petit-déj, qu'allez-vous faire ce week-end, est-ce que la semaine s'est bien passée. Il y a également un auditeur qui nous envoie, salut l'équipe, comment ça va? Bah, ça va très bien, Kaufman, t'es réveillé? Ouais, c'est un prénom bizarre, c'est signé Shams. Ah, c'est Shams, on l'embrasse, Shams, allez-y au 30 44 pour nous, vous envoyer nos message, on dialogue ensemble, on est en direct, on est vraiment en direct, hein, Kaufman, on peut le dire hein, quand même. Hein. 8h51 et ouais. Dans quelques minutes on parle jeux vidéo et on vous offrira encore des gros cadeaux d'ici 10h. Tout ça juste après Martin Solveig sur Fun Radio. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Ah, vous voyez, monsieur Marc, tous ces vins à découvrir, on croirait faire le tour du monde. Et je peux dire qu'ils sont délicieux, petit. Je leur donne un 20 sur 20. Ah, c'est drôle ça. À vous aussi, monsieur Marc, je vous donne un 20 sur 20. Pendant le festival des découvertes Carrefour Market, découvrez des vins jamais bu à prix jamais vu. Vous ne les connaissez pas encore tous, alors venez vite. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Votre savoir-faire se déguste avec sagesse. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Unforgettable, I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.

chanson. Bienvenue sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 10h avec le son de The Parakeet. Et une annonce télé a été faite cette semaine, le casting de Danse avec les Stars s'enrichit encore une fois avec un animateur télé. Est-ce que tu es au courant, Kaufman ? Ah oui, j'avais entendu ça, est-ce que c'est pas Olivier Mine ? Ah oui, il y a Olivier Mine, mais il y en a encore un autre. Ah bon ? Ouais, il y a un autre qui a annoncé cette semaine. Ouais, je crois que j'ai entendu. Qui participait à Danse avec les Stars. C'est un grand animateur hein, qui n'est plus à la télévision, mais qui a été longtemps à la télévision. Ah oui. Ah oui, j'ai entendu ça. Ah oui, Julien Lepers. Julien Lepers, effectivement, va fouler le parquet de Danse avec les Stars. C'est comme une surprise de voir Lepers dans ce genre de truc. Moyen, parce que je sais qu'il aime bien. Il aime bien avoir le feu des projecteurs sur lui et que c'était logique qu'il revienne par la porte ou par le trou de la serrure de la porte ou par le chat de l'aiguille. Il revient souvent lui. Il revient, tu vois. Il a déclaré Lepers, je ne suis pas danseur, ce n'est pas mon truc du tout, mais c'est ça qui est marrant, j'aime bien les notions d'effort, de dépassement de soi et de respect des autres. Et tu vois, ça sera plus un 4 à la suite, ça sera un... Oui, c'est un 4 pas à la suite. Ah oui, la note 4, mais pas à la suite. Effectivement, dans quelques minutes, Destination Web avec Kaufman. Oui, on parlera du Game Jam. Ce qui est drôle, c'est que t'as même pas compris ma blague. Ah bon, c'est quoi? Le 4 pas de danse. Ok, bon, non, je suis pas calé encore niveau bon, 22 on danse. On écoute par équipe et c'est lui sur Fun Radio. On se retrouve juste après. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. Save me, save me. Afraid to run, I'm scared without my change. Fun Radio. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. Samedi matin, on est en direct sur Fun Radio et Justin Timberlake qui débarque. Et place web maintenant, destination web avec Kaufman. Oui, en plus, ce qui est bien dans destination web, c'est que on s'arrête souvent, très souvent, près de chez vous. La semaine dernière, on s'était arrêté à Molenbeek pour vous parler de YouTube. Et cette semaine, j'ai déposé mes valises à Mons. Pourquoi à Mons? Parce que il y a l'organisation d'une game jam. Et oui, plusieurs partenaires issus de la culture numérique se sont réunis pour mettre sur pied un événement vidéoludique, une game jam. Ça s'appelle une game jam à Mons, dans les locaux de la Technocité et du Microsoft Innovation Center les 7, 8 et 9 octobre prochains. L'objectif, me diras-tu, démontrer l'intérêt de la pédagogie au travers du jeu vidéo. Vous avez envie de créer votre propre jeu vidéo en quelques jours. C'est là-bas que ça va se passer. Pourquoi ne pas donc y participer? Ce type d'événement déjà très populaire en France commence à gagner des lettres de noblesse en Belgique également. Il s'agit donc d'une compétition dont le but est de créer un jeu vidéo à portée éducative. Et pour ce faire, vous avez exactement 3 jours.

Bonne matinée avec Fun Radio. Continue le son dance floor avec Madcon et Willy William. Et Kaufman a été chercher un chiffre, le oui. chiffre du jour. Bah oui, en plus de toutes les informations web, télé, internet, jeux vidéo qu'on ouais. peut vous filer, moi j'aime bien le samedi, le dimanche, on est tranquille, on est au calme entre 7h et 10h. J'aime bien sortir un petit chiffre de son escarcelle, un petit chiffre de mon chapeau. Okay. Et en l'occurrence, le chiffre du jour, c'est 60. 60. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que certains aiment faire la sieste. Ah oui. La siesta. La siesta. Mais faire la sieste, c'est bien. Mais quand même pas trop. 60, c'est exactement le nombre de minutes qu'il ne faut pas dépasser lors d'une sieste, selon une étude sur le diabète et la sieste. Pourquoi ? Parce que les personnes qui font des siestes plus longues présentent alors un risque plus élevé de diabète de type 2. Autrement dit, si vous aimez vous reposer là ouais. au bureau tranquille après avoir mangé, eh ben faites en sorte que ça excède pas 60 minutes. D'abord, ça vous préservera du diabète, et ensuite, ça fera plaisir à votre patron qui ne devra pas vous virer. Ok, 60 minutes pour une bonne sieste, en gros, c'est ça hein. Maximum. Maximum 60 minutes. Dites-nous, au 30-44, c'est quoi la durée de votre sieste à vous, Kaufman ? Moi, c'est 4 heures. 4 heures, toi ? Ah oui, t'es une grosse sieste, toi, quand même. Pas du tout, moi, je respecte la règle, c'est 4 fois 60 minutes. Donc, 4 heures pour toi. Dites-nous, 30-44, c'est quoi la durée de votre sieste ? Ouais, une bonne sieste, 60 minutes, c'est pas mal. Même une demi-heure, je crois que c'est mieux encore de faire une demi-heure. Au plus court, au mieux. Au plus court, au mieux, merci. Ouais. Ça, je retiens. Dans ma vie privée, c'est pareil aussi. Au plus court, au mieux. Moi, je fais des micro-siestes, ça dure 1 minute, 1 minute 30, je me réveille, je suis en pleine forme. Allez, pour la suite de l'émission, ça va être le fun game avec Kaufman. On va parler de quoi ? On parlera de Battlefield 1 qui sort dans les semaines à venir. Et qui a battu vraiment des records, les chiffres sont impressionnants. Ne loupez pas ça. Et en plus, on a un nouveau jeu à vous proposer. Un nouveau jeu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Ah oui, une nouvelle surprise qui arrive d'ici 10h. On vous explique tout ça juste après Madcon sur Fun Radio. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téléticketservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin espagnol Faustino Reserva 2010 ou 2011 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Ah, c'est le week-end. Mais ce n'est pas une raison pour vous laisser aller. 7h-10h, c'est que du fun sur Fun Radio. Keep my cool.

Sundance Floor continue avec Ken Jones. Et le Fun Game. Oh, le Fun Game. C'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Tu es là, Kaufman. Excuse-moi, Kaufman, non, pour ce jingle. Mais je t'en prie, parce que tu te réveilles un peu comme effectivement, éditeur qui se réveille lentement, doucement, mais sûrement. Mais on pense aussi à tous ces gens qui travaillent le samedi matin et qui nous écoutent dans les commerces. Ouais. Vous, oui, vous. Ah, ils viennent de tilter. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Merci de nous écouter. C'est que du fun. 7h, 10h, le samedi, le dimanche, le morning 100% belge avec des infos pratiques, des cadeaux. On a de tout pour tous les goûts. Et là, on va parler jeux vidéo une dernière fois en ce samedi, puisqu'on va parler de Battlefield 1 qui a eu une bêta publique, autrement dit une séance d'essai totalement gratuite sur les différentes consoles qui s'est déroulée du 31 août au 8 septembre. Donc c'est fini, plus la peine de vous connecter pour voir s'il y est encore. Et cette bêta a enregistré une participation de 13,2 millions de joueurs qui ont participé. Un chiffre complètement fou qui rassure sur la sortie du titre si l'expérience a plu. Ah ouais. La classe du soldat, parce que c'est un jeu de guerre qui prend comme contexte historique la Première Guerre mondiale. D'accord. La classe du soldat qui a été la plus utilisée est celle du sniper. Donc les gens ont voulu un petit peu tester cette classe-là. Pour info, la bêta comptabilise 62,2 millions de frags, donc de tués. Ok, très bien. De tués dans le jeu vidéo, bien. À cheval, donc 62,2 millions de tués à cheval, puisque dans la Première Guerre mondiale, il y avait des chevaux, tu vois. Ouais, ok, ouais. Et 23,8 millions de morts dus aux trains blindés. Ok, dus aux trains blindés. Ouais, parce qu'il y a des trains blindés aussi. Ils sont à cheval et ils ont un train blindé. Très bien, Kaufman. Et le jeu va sortir donc bientôt. Oui, il sort dans quelques semaines et il concernera la PS4, la Xbox One et le PC. Et donc, on vous en reparlera. Ne vous en faites pas. Effectivement. Dans quelques minutes, voici la nouvelle séquence. Je vous en parle depuis 7 heures. Mais moi, je sais toujours pas. Tu me fais languir. Ah oui, tu me fais languir un petit peu. Effectivement, c'est une nouvelle séquence. On l'a appelée la Grande Box Fun Radio. Ok. La Grande Box. La Grande Box Fun Radio. La boîte. La boîte, ouais. La box. La box. La Grande Box Fun Radio. Et dans cette box, on va y trouver plein de choses. Plein Mais de choses pour vous. On vous explique tout ça juste après Ken Jones sur Fun Radio. Restez bien avec nous. On vous explique tout ce qu'il y a dans la box. C'est une séquence que vous allez adorer. Hein, celle-ci, vous êtes certain, vous êtes en voiture là, vous venez de vous réveiller. C'est juste pour vous là, c'est que du plaisir, c'est que du fun. Jusqu'à 10h, Ken Jones, et on en parle juste après. Kamasutra, leçon 9. Investir dans une chaudière au mazout super économe, c'est profiter d'un rendement encore meilleur. Plus d'infos sur informazout.be. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai. New thinking, new possibilities. Hey, hey, I will survive. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Moi j'aime recevoir les amis, les voisins. Et grâce à notre délicieux rôti de carré de porc, vous allez aussi recevoir des compliments. Ah ouais, monsieur Marc, oh que vous êtes beau et tendre. Enfin petit, c'est de moi que tu parles. Non, c'est du rôti, voyons. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre délicieux rôti de carré de porc est à 5,99€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrange. Alors, attention ma petite blague, que ne peut-on pas organiser dans un sous-marin ? Une journée porte ouverte ! Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 500 000 euros à gagner. Ah oui, alors là j'arrêterai mes blagues. Là oui, merci loto. Le son, Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Think about love, think about hate, think about getting fit and why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting in traffic, wishing it would move, should be thinking about a job, but I'm thinking about you.

commence sur Fun Radio. That's right. Dance floor. Standing on a lonely road, take a breath, waiting for a sign. Something that would give me hope, cause the curves make me feel so fine. Oh, I won't stop, my dreams are about you, and I don't wanna wake up now. Now I can't stop thinking of your body above me for the rest of the night. Dans quelques secondes, c'est Kungs qui débarque sur Fun Radio. Et là, c'est l'heure, Kaufman. Et oui, c'est l'heure de la grande box Fun Radio, Kaufman. Mais c'est quoi? C'est une nouvelle séquence qu'on vous propose ce matin, chaque week-end. Je vais mettre des cadeaux dans la box Fun Radio. Donc chaque samedi, chaque dimanche. Ouais, un ou deux cadeaux par week-end. D'accord. Okay. Et je mettrai donc ces cadeaux dans la box Fun Radio. D'accord. Dans la grande box, la grande boîte Fun Radio. Et je vais appeler quelqu'un au hasard en Belgique. Oui. Si la personne répond Fun Radio à la question « Quelle radio t'offre le plus de cadeaux ?» D'accord. Elle gagne tous les cadeaux de la box. D'accord. Ok. Si elle répond mal, je rajoute un cadeau dans la box. Ah d'accord. Donc là on va commencer par un premier cadeau. C'est le premier, la première fois qu'on le fait, donc c'est normal. Premier cadeau, je vais mettre 4 places pour le parc Astérix. Mais écoute, il n'y a pas forcément besoin de les mettre dans la boîte. Tu peux les prendre avec, hein, aussi, pas, mais, hein. Mais je les mets dans la box direct. 4 places pour le parc Astérix. Je récapitule. Ouais. Donc tu mets des cadeaux aujourd'hui. On va appeler quelqu'un au hasard, ouais. Si la personne répond Fun Radio à la question qu'on va lui poser, c'est gagné. Sinon, pas de problème, on reprend les cadeaux, on les réoffre demain en rajoutant un petit quelque et chose. Et on rajoute toujours quelque chose. Ok, Kaufman? D'accord, je sens que ça va nous coûter cher cette histoire. On va appeler quelqu'un au hasard, Kaufman. Donne-moi un chiffre entre 1 et 4, parce que j'ai pris 4 personnes au hasard. Pour vraiment que ce soit le pur hasard, donne-moi un chiffre entre 1 et 4. Le 3, très bien. J'appelle donc le 3. Hop. Ok. Quel suspense. J'appelle en direct, hein, donc la personne peut ne pas décrocher samedi matin en direct. C'est possible. Ça sonne, c'est déjà un bon point. J'ai juste posé la question, il faut dire Fun Radio. Ça peut sonner chez vous, hein, donc faites attention. Ça se remarque en même temps si ça sonne chez soi. Ouais, c'est vrai. Allô. Quelle radio t'offre le plus de cadeaux? Allô. Quelle radio t'offre le plus de cadeaux? Bonjour, quelle radio vous offre le plus de cadeaux? Ah, je crois qu'elle n'écoutait pas la radio à ce moment-là. Je crois qu'elle a les enfants et elle a raccroché là. Ouais, effectivement, elle a raccroché. Donc c'est perdu. En même temps, c'est même peut-être pas grave. Non. Parce qu'on rajoute des cadeaux demain. Effectivement, on va rajouter des cadeaux pour demain. Est-ce qu'on peut le dire tout de suite qu'on rajoute, Kaufman? On peut le dire. Oui, dis-le. Allez, on rajoute un goodies jeu vidéo, Kaufman. Ok, on a encore des t-shirts à offrir, tout ça. Oui, exactement. On rajoutera un t-shirt World of Warcraft à ce package. Et donc, parfait. Il y aura en plus les 4 places pour aller voir Astérix. Donc demain, on rappellera quelqu'un au hasard. Ça peut tomber vraiment chez vous. Là, il est 10h pile. Les 10h pile, c'est Anto qui prend le relais. Ça va, Anto? Et si moi je donne la bonne réponse, est-ce que je peux gagner les cadeaux? Non. Parce que je pense connaître la bonne réponse. Oui, je crois aussi, mais non, Anto, c'est pas possible. On va te donner 4 places pour rentrer à Fun Radio. Ça peut être pas mal, dis ça donc. Peut être ça pas mal, ouais. Allez, c'est quoi le programme, Anto? Eh bien, écoute, le meilleur du Sound and Floor, comme chaque week-end évidemment. Puis je vous explique comment remporter un max de cadeaux. Parce qu'on en a plein pour vous la semaine prochaine. Donc vous aurez en Finlande avec transport, hôtel pour aller assister au concert des 21 Pilots. Et puis on a aussi le tout nouvel iPhone 7 pour vous, les amis. C'est quand même pas mal, David. Hein, ah ouais, l'iPhone 7 cadeau qui va tomber toute la semaine prochaine. Vous, les amis, on vous retrouve demain, 7h-10h, pour C'est que du fun. Un max de cadeaux, évidemment, et de fou rire. Ce sera dès demain. Avant ça, c'est Black M qui arrive dans un instant. Et le tout nouveau Kong Sister Fun. Bienvenue. I'm gonna wreck.